En 1980, Paul McCartney fait une pause avec son groupe Les Wings. Il sort un album solo, un second album solo, expérimental. Il est tout seul dans son studio, très do it yourself. Et il fabrique ce titre, Check My Machine, un track repris par un paquet de producteurs et DJ, un track qui n'est pas sans rappeler des bricolages proto house. Mais nous, on va remonter dans le temps encore plus loin. Le 6 mars 1970, c'est la face B du 45 tours Let It Be des Beatles. On est dans la même configuration, bricolage est génial. Hey, let me kick something real quick. You know, my father say, why you think you don't ever see an old man walk around outside no more? He said that I'd be dead, locked up, still in the house. Hiding from all the hate these folks got for us just because we dark colored. There's a beautiful side to everything, but the history of the South gets vicious. Black children dying too young, too quickly. He said we still fight, just breathe. Long live bubble. Let me tell you where I'm from, on dirty south, baby. Getting paper since a youngster. Jitterbugs, run round in my city with the monsters. Used to live out Baker Way, I might just see a place of getting naked by the dumpsters. Hell no, used to hear my mama crying, talking through the jail phone. Pissed off about a bit, knowing damn well that's my damn fault. Never was a rich boy, never let my head down. Used to keep my head long, now I keep it low. What you know, right. I heard you never been around right. My way, that's for sure right. We used to see them niggas every day, now they gone right. Keep they day on my mind, why'd you take them home, right. Lord? I ain't never wanna right. Let them go, that's my homeboy right. Still at Rover's Park, praying that I see his ghost. I hope I get to make it out these woods with my folks right. I hope I get the money right. And get everything I want right. Baby, let me tell where I'm from, on dirty south, baby. Getting paper since a youngster. Jitterbugs, run round in my city with them monsters. Used to live off Baker Way, I might just see a bitch again naked by the dumpsters. Head loud, used to hear my mama crying, talking through the jail phone. Pissed off about her, knowing damn well that's my damn fault. Never was a rich boy, never let my head down. Used to keep my head long, now I keep it low. What have I done? What have I become? Darling, I think that I am far too gone. Won't be long until I reach my end. Father, I need some time. Can you help me breathe? Whatever I say never gets away, 'cause everyone's looking at me. La nuit des temps, Radio Duo. Nous sommes en 1995, les Beastie Boys enregistrent en studio avec leur pote Biz Markie. Eamon et Mark se met au piano et improvise. Il improvise sur Benny and the Jets d'Elton John. Biz Markie prend le micro, désaccordé et pépouze. Cette reprise est aujourd'hui un classique, Elton et les Beastie. Oh! Peace, peace, y'all. Once again, we are here. Album number 3. Checking out some dope music, and I got a bunch of bad cats with me. I want to introduce you all to them on this sonic journey. From Cleveland, Ohio, on the piano, Rhodes, organ, Whirly, that's John Thomas, y'all. On the bass, from Miami, Florida, that's Barry Stevenson, Figgity Foom. On the drums, from Chicago, Illinois, that's Michael Pilot. We got some special guests with the whole proof, y'all. Big party this time. Josh Evans on the trumpet from Hartford, Connecticut. Jay Horde on the vocals from Columbus, Ohio, once again. Marcus Machado from Brooklyn on the guitar. From Syracuse, New York, my man Wayne Tucker on the trumpet. And from Los Angeles, California, my main man, my brother, Charles Turner on the vocals. I'm your host for this project. They call me McBrizzle, they call me Showtime. I'm Christopher McBride on the alto sax, y'all, from Chicago. Listen, if you hear something you like throughout this whole journey, you just holler out all day. That's the credo that I use at my shows. Let me hear you say it all day, y'all. All day. We rocking. It's gonna be a good time. Enjoy the project. Peace and love. All day. Only when nature doesn't take its natural toll am I worried with the human soul. Some people think that they are in their rights when on command they take a black man's life. Now let me give a rundown on how I feel. If it ain't natural, then it ain't real. God intended me to describe me first, so would he have given them wings? God intended them to be described. Who's watching? Le 17 octobre 2023, Carla Bley nous quittait, Funny Bird Song, 1974. Funny bird feather in his with whim, wrung from intention to know him. Ah, but then I'm a funny bird to him. I like to flock a lot. I like to flock, yeah, a lot. La nuit des temps, l'international de la danse. Thank you. peut aimer la house et l'électro et plonger ses oreilles dans le dub. Ce serait presque une version un peu plus intense des sons réverbérants du groupe Paul. Mais lui, il est canadien. Voici Scott Monteith, alias Deadbeat. Et sur ce coup, il est accompagné par Paul Saint-Hilaire pour le dub. Pour la touche, Peace and Love. Nous sommes en 2014. Et vous êtes sur Duo. Straight up to evening. C'est surtout un producteur jamaïcain qui a commencé à la fin des années 50. Il a bossé, figurez-vous, avec Lee Perry ou Bunny Lee. Il officiait dans le studio de King Tubby, qui n'était rien de moins que l'un des inventeurs du dub. Mais là, on remonte le temps et on file à Kingston. Let Me Down Easy, nous sommes en 1972. Let me down easy, give me time. Thank you. Spirit to praise you. May our hearts overflow with thanksgiving and all our mouths proclaim your everlasting greatness. Ashe. Amen. Amen. Let it be. Enregistré en live à Glasgow, qui était un carton aux USA et au Canada, plus que la version studio sortie l'année suivante. Paul McCartney, c'est notre powerplay de la semaine. You want some peace and understanding, so everybody can be free. I know if we could get together, we hear music endlessly. It's coming on. Happy hands, come on, clap your hands. coming up. Oh my God, it's stylish. La nuit des temps, l'international de la danse. 2 a.m. Fort frérot. Les clubs à Taipei ne craignent ni l'avant-garde ni les reprises improbables. C'est le cas ici avec la géniale productrice Sonia Calico qui débauche ou Chung Chika qui valide, qui performe elle ou lui dans les clubs trans de Taïwan. Elle offre une lecture épique de Bonnie Tyler. Tout à fait chevaleresque. Thank you. Cause he's a good man. on danse à Chicago, on danse, mais c'est la mélancolie. C'est totalement drama. Savannah. Et voilà, c'est déjà l'heure de fermer les portes de notre bon vieux club. Et c'est sur ce Sissi Band que nous allons saluer celles et ceux qui nous ont fait danser ce soir sur les antennes de Dio. Il y avait Paul McCartney, période Do It Yourself, au tout début des années 80, et c'était notre portrait de la semaine. Il était suivi de très près par les Beatles, puis encore plus près par Gabriel Jacoby et les Beastie Boys, qui eux aussi kiffent et reprennent Elton John. Il y avait Christopher McBride, suivi de Archie Shepp. C'est notre son du printemps, ce fantastique Archie. Hommage, hommage à Carla Bley. Roman Santarelli nous a bien eus. Deadbeat, lui, c'est la house et le dub. Derrick Harriott pour le clin d'œil à Ghetto Vibes, tous les jeudis à 20h sur Vio, juste avant nous. On demandera à Alex la semaine prochaine s'il a kiffé. Il y avait aussi Richie Beats qui nous a fait de la peine, un petit peu. Et Sonia Calico qui hante les nuits de Taipei. Et on adore ça. Et enfin le Savannah de Drama. Et Drama ce soir. Non, non, non, on ne l'est pas. Et on ne veut pas. On fait un refus poli. Et on sort de notre bon vieux club pour regarder le ciel de Saint-Étienne et les étoiles qui brillent sur Saint-Étienne, qui brillent sur nous. C'était la nuit des temps. Buena notte. Salut! La nuit des temps, Radio Duo.